La presse aux odeurs scande, le retour des heures sombres. Ça fait scandale, ça nous fait peur, l'Europe vire vers la terreur. On ne veut pas revivre ça, ce n'est pas souhaitable, ce n'est pas recommandable. Si seulement ils savaient à quel point ils ont raison. Une lumière à l'horizon nous rappelle à la maison. Le bruit des bottes, l'odeur des trains, je t'assure que demain, ce n'est pas si loin. Ils crient dans les rues les poings levés, les drapeaux rouges, les cœurs crevés. Ils voient des ombres sur les pavés, des vieux démons qu'on croyait fanés. La peur les ronge, elle brûle la voix. Ils chantent l'espoir, mais tremblent tout bas. Les nuits s'allongent, le vent se tord. Les traîtres murmurent, prenez garde encore. Si seulement ils savaient à quel point ils ont raison. Une lumière à l'horizon nous rappelle à la maison. Le bruit des bottes, l'odeur des trains, je t'assure que demain, ce n'est pas si loin. Je veux la liberté, le droit de m'associer. Même si le pays s'arrête, je veux pouvoir faire des pépettes. L'argent, l'argent, moi je, les croix gammées, ça me fait peur. Si seulement ils savaient à quel point ils ont raison. Une lumière à l'horizon nous rappelle à la maison. Le bruit des bottes, l'odeur des trains, je t'assure que demain, ce n'est pas si loin.